354e chapitre. L'alerte. Déjà deux hommes avaient approché l'apprenti du brasier et, après l'avoir déchaussé, s'apprêtaient à lui rôtir les pieds quand un écumeur entra soudain dans la cabane et dit au chef quelques mots à voix basse. Le maître parut d'abord surpris, puis une réelle inquiétude se peignit sur son visage. Il donna l'ordre de ligoter de nouveau les prisonniers et sortit après avoir laissé, pour garder les aviateurs, le même geôlier que l'instant d'avant. Dans sa précipitation, il oublia de faire remettre les bâillons sur le visage des quatre Français. « Tiens, dit Fabien, il paraît que ça va mal. Il est probable que ceux que ce misérable craignait tant sont dans les parages. » On entendait au dehors un piétinement rapide, saccadé. Bientôt, il y eut des hennissements, un bruit de sabots frappant le sol, et le silence se fit. « Ils sont partis, » dit le Parisien. « Ah, si nous pouvions rompre nos liens, comme j'aurais plaisir à corriger ce drôle qui nous regarde, cet affreux geôlier qui a une si vilaine figure !» L'homme ne comprenait point, mais il se douta sans doute que l'on parlait de lui, car il vint se planter devant Fabien et le fixa d'un air courroucé. Pourquoi les écumeurs étaient-ils partis si précipitamment? Que s'était-il passé? Nous allons l'expliquer en quelques mots. Un factionnaire posté sur un monticule avait aperçu dans la plaine des cavaliers indiens. Ces Indiens, qui avaient eu connaissance du récent pillage accompli par les écumeurs, se disposaient à leur ravir leur butin. Cela était assez fréquent. Dès que les écumeurs avaient fait une bonne prise, il n'était pas rare que les Indiens cherchassent à la leur enlever. C'était alors entre les bandits et les peaux-rouges une lutte sans merci dans laquelle les écumeurs plus rusés que les Indiens avaient toujours le dessus. Cette fois, le combat menaçait d'être chaud car les peaux-rouges étaient nombreux. Le chef des écumeurs comprit qu'il fallait avant tout empêcher les ennemis de venir jusqu'à l'endroit où se trouvait le camp. Il s'installa avec ses hommes derrière les rochers à 500 mètres environ de la cabane où se trouvaient les prisonniers. La nuit vint. Les écumeurs allumèrent des feux dans l'espoir que les Indiens donneraient signe de vie. Des sentinelles, fusils à la main, observaient attentivement la plaine, pendant que les bandits enveloppés dans leurs manteaux reposaient sur le sol. Ils s'attendaient à une attaque et ils souhaitaient qu'elle se produisît en pleine nuit, car de jour, les Indiens eussent été plus favorisés. Le chef des écumeurs ne dormait pas. Assis sur un quartier de roc, il écoutait, prêt à donner l'alarme.